Ah, je le kiffe ce son. Improbable sur le papier. Kygo Imagine Dragon, c'est le résultat est juste dingue. Merci d'être là les amis, presque 22h, on est en direct et ça va être comme ça tous les soirs pendant les vacances. Le party fun de l'été en 7 sur 7, nos vacances, on les passe avec vous. Vous l'avez compris, ça se passe comme ça tous les soirs sur Fun, avec tous les sons qui vous font kiffer. Il y a du Offenbach qui arrive avec Parley, DJ Snake également qui va mixer ce soir, tiens, pour les Bleus et pour leur private party à l'Elysée. Ça va être juste un truc de dingue ça aussi. Snake, on va l'écouter dans le prochain quart d'heure. Charlie Puth en remix avec How Long, et ça aussi petit remix de I Don't Give a Fuck. Voici Dua Lipa. C'est parti fun, vous voulez choisir un son avant minuit, je vous le mixe en direct, pas de soucis. Mon mail nico@funradio.fr et hashtag party fun sur Twitter. Just for show, yeah. She said, save your love for me.

Fun sur Fun Radio.

street. Just graduated fresh on Compton. Fresh out East Atlanta with no mountain down. Fresh out East Atlanta. I bump, bump like a traffic jam. Man, how could you pay that girl like Uncle Sam? Miko C. Mix dans Party Fun sur Fun Radio. en mix. En el cuello pa' calmar la sed, en tu cadera pa' pesar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Baila, sácate, sácate, como ella lo mueve. Para, no de comerte, por eso más fuerte. Quiero tenerte, no te voy a negar. Dile que se deja, sí, pa' mi fe. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour faire la fête. Ça se passe comme ça pendant toutes les vacances. L'émission Dance Electro numéro 1 en France est partie fun sur Fun Radio avec Adrien Thomas, avec Maëva Carter. On va se faire plaisir tous les soirs pendant les vacances. Et vos vacances, on va les passer avec vous. Voilà, ça se passe comme ça. Partie fun de l'été. Tous les soirs, 11-7 sur 7 sur Fun Radio avec le retour de ça. Le retour de plus de 40 minutes de son dance floor non-stop sur Fun Radio. Vous avez l'habitude, vous savez ce que c'est, hein, de la musique, pas de blabla. On se fait plaisir avec vos sons préférés et uniquement vos morceaux préférés. 32-28 pour les choisir avec moi. Et mon mail, mico@funradio.fr. Il y a le Twitter également avec le hashtag PartyFun, évidemment. On est de retour avec David Guetta Showtek. Et on love dans un instant. Et un son qu'on adore. Le DD producteur anglais, Sigala. Vacances. C'est nouveau dans la playlist Fun Radio. Fun Kaigo. Rudy Mental. La radio qui vous joue les meilleures nouveautés, c'est Fun Radio. Salut, c'est Marion et Enzo. Ah, les vacances, les soirées sur la plage, le kiff de retrouver tous ses potes. Mais pour kiffer encore plus Enzo, on a un message super important pour vous. Pour vos soirées cet été, passez en mode Sam. Oui, Sam, le super pote qu'on désigne avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Et qui a le super pouvoir de vous ramener en sécurité. On compte sur vous. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente la tournée des plages 7-Up Free. La vague de fraîcheur 7-Up revient sur vos plages. Du 8 juillet jusqu'au 20 août. Au programme, des animations, des cadeaux et les mix du DJ Party Fun, Matt. Retrouvez toutes les dates et infos de la tournée des plages 7-Up Free sur funradio.fr. La tournée des plages 7-Up Free avec Fun Radio, le son dance floor. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Cet été, pas d'embrouille. Payez vos amis en un clic avec l'application gratuite LifePay. LYFPAY. Restez connectés avec la famille Fun Radio. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, yeah. Fun sur Fun Radio. Party. Fun.

sleeping, you're all I'm needing. When my heart stops beating, just sing to me. When I'm not sleeping, you're all I'm needing. When my heart stops beating, just sing to me. We'll be right back.

Merci d'être là les amis, merci d'avoir choisi le son de Party Fun sur Fun Radio en mode vacances, hein, ça démarre tous les soirs dès 19h avec le Before Party Fun évidemment. Et donc on se fait plaisir jusqu'à 2h du matin. C'est Closeman qui viendra me remplacer tout à l'heure des minuit. Pour la suite, je mixe Martin Solveig, DJ Snake et voici Calvin Harris, Dua Lipa. Ouais. And I know that you still wanna see me on the Sunday morning music real loud. Let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me, possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me, possibilities. I look like all you need. One. When you smile, take my time. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me, possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Breathe, feeling like you're Nico C. Mix dans Party Fun sur Fun Radio. Alone. silence. Yeah, I can't let her get away. No, someone's behind me. We go back to back and we collide. Suddenly I turn around and right there. Yeah, she's staring back at me. It's like I've seen her face before. I know, but I don't know for sure. My friends ain't with me anymore. Oh, I've gotta know. Why she dancing alone? Why she dancing alone? Did she come on her own? Seems so lost. So why does she keep on dancing? Dancing alone. Why she dancing alone? Why she dancing alone? Did she come on her own? Seems so lost. So why does she keep on dancing? Dancing alone. Pas du nouveau Xianing Grosso avec Dancing Alone. 23h16, Party Fun en mode vacances tous les soirs dès 19h avec l'émission Party Fun. Party Fun qui se poursuit jusqu'à 2h du matin, hein, n'oubliez pas. Closeman tout à l'heure au platine à partir de minuit. Et avant de redémarrer, plus de 40 minutes de son Dance Floor Non-Stop, évidemment, on va continuer de se faire plaisir. Merci pour tous les messages qui arrivent sur mon mail nico@funradio.fr. Le 3228 SROC, je suis l'heure du son, ou directement avec le hashtag PartyFun sur Twitter. Vos morceaux préférés, je les mixe évidemment jusqu'à minuit comme ça tous les soirs pendant les vacances. Et dans mon morceau préféré, il y a ça. Ils Van Zandt arrive. With you. Fun Radio est là. Où sont tous les DJ? People of Tomorrowland. Vendredi, Fun Radio sera en direct de Tomorrowland pour deux week-ends de fêtes et de mix non-stop. Un événement à vivre en direct sur Fun Radio. Cet été, vous serez des milliers à faire la fête dans les plus grandes soirées et les meilleurs festivals. Tomorrowland. Uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Salut, c'est Marion et Enzo. Ah, les vacances, les soirées sur la plage, le kiff de retrouver tous ses potes. Mais pour kiffer encore plus Enzo, on a un message super important pour vous. Pour vos soirées cet été, passez en mode Sam. Oui, Sam, le super pote qu'on désigne avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Et qui a le super pouvoir de vous ramener en sécurité. On compte sur vous. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente la 18e édition de l'Extrême Session. Découvrez le plus grand rassemblement de sport extrême du Sud-Ouest. Avec les meilleurs riders mondiaux de freestyle, jet ski, flyboard, BMX. Et avec le meilleur du son dance floor. Mixé par les DJ Fun Radio. La 18e édition de l'Extrême Session. 20 et 21 juillet à Valais, entre Agen et Cahors. Un événement Fun Radio. Plus d'infos sur extreme-session.com. Ant-Man et la Guêpe. Le film événement. Mais vous l'avez équipé d'ailes? Et de blaster, oui. J'imagine que ces options n'étaient pas encore au point pour moi. Bien sûr que si. Mais... Dans deux jours, au cinéma, avec Fun Radio. Party Fun? Sur Fun Radio. Fun Radio. Got this beauty by my side. He takes it nice and slow. Kiss and tell. I need something more, baby. Come on, let's go. Raise your hands up high to the sky. We'll be reaching for the stars here tonight. Until the sun comes up, you and I. You better go. I just wanna be with you. sun comes up, you and I. Mix dans Party Fun sur Fun Radio.

Cossé. Mix pour vous sur Fun Radio. Snake va passer une grosse soirée ce soir puisqu'il mixe. C'est dur à dire, je suis en vacances moi aussi. DJ Snake mixe ce soir pour l'équipe de France, championne du monde pour la deuxième fois, et ça c'est plutôt cool. Snake à l'instant avec Middle, 23h35, à la cool, en mode party fun de l'été sur Fun Radio. Et pas de vacances pour la team des DJ résidents Party Fun avec Adrien, Thomas et Maëva Carter. On va être là tous les soirs pendant les vacances. Nos vacances, on les passe avec vous les amis tous les soirs en 7 sur 7. Ça démarre à 19h avec le Before Party Fun. Il y a Party Fun qui se poursuit derrière jusqu'à 2h du matin au minimum avec Closeman tout à l'heure dans moins d'une demi-heure. I Don't Give a Fuck, c'est ce qui arrive maintenant pour démarrer plus de 40 minutes de son dance floor non-stop. I Don't Give a Fuck, c'est Dua Lipa. Et Alex Van Giel, Adrien Thomas, c'est ce qui arrive maintenant. Talk to me. Je m'appelle Mikos et je mixe Party Fun en direct jusqu'à minuit, les amis. C'est nouveau dans la playlist Fun Radio. Ugel et Tayo Cruz. Cardi B. Radio qui vous joue les meilleures nouveautés. C'est Fun Radio. Cet été, la série En Famille est de retour. Coucou, c'est nous.

Miko C. En mix. Mix pour vous sur Fun Radio. Fun Radio. Faster. What heartbeat faster. Fun Radio. We'll be right back. En mode vacances, évidemment, ça se passe comme ça tous les soirs. Et je serai de retour tout à l'heure à 19h pour le Before Party Fun et le Party Fun de l'été. 19h, 2h, on continue de se faire plaisir toute la nuit sur Fun Radio. Tout à l'heure, dès 6h, vous allez démarrer la matinée avec Bruno dans la radio. Version en summer avec Aylot qui sera aux commandes. Toujours comme d'hab, les factures, la chanson du jour. Donc ça sera de ne pas louper à partir de 6h pour bien attaquer la journée. Bon courage pour ceux qui bossent. Le son de Party Fun et le son de Fun Radio toute la nuit, le son de Dance Floor de tout à l'heure avec Justin entre 2h et 6h. Et ça, c'est bien. Ouais, bah oui, bah on fait ce qu'on peut, hein. Bah voilà, 2h-6h tout à l'heure, t'as le temps de te préparer. D'ici la partie fun qui se poursuit avec Closeman. Je vous retrouve à 19h, c'était Mico C. Salut! Party fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et le spectacle continue. Cet été, les meilleurs DJs mixeront tous les soirs sur Fun Radio. Let's play Happy House. It's time to party fun. Et maintenant, Closeman prend les platines de Party Fun sur Fun Radio. Ok. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple. Parce que je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Ok, simple, basique, basique, ok. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des voleurs. Vous n'avez pas les bases. Simple. Parce que vous êtes trop cons. Basique. Simple.

like all you need. Heures de mix en exclu sur Fun Radio. Take you higher. Take you higher. break you, not to break you, not to break you, not to break you, not to break you.